parle souvent de quai de gare, au sujet d'amants qui se séparent. Il y a de la poésie, 9h du soir, et des gouttes de pluie dans les mouchoirs. Car longtemps déjà au bout d'un quai, on était comme ça un bon paquet. Pour 12 longs mois on s'en allait, et moi c'était moi que je quittais. Pas la mémoire. La comparaison se fait sans peine entre une prison et la caserne. Un jour tu ressors le regard terne, ou s'il brille encore, c'est de la haine. Et de temps en temps mes rêves noirs me renvoient un an dans ce traquenard. Pourtant plus jamais tu peux le croire, je ne revivrai ce cauchemar. Gare de guerre, quai de gare, perds pas la mémoire. Là que les képis me donnent vraiment de drôles d'envie, et je vois du sang sur le kaki. On apprend partout ce qu'est la vie. Là-bas, voyez-vous, j'en ai appris, et je sais maintenant que mes ennemis vivent pas forcément tous en Russie. Pas la mémoire. On parle toujours de quai de gare, au sujet d'amour qui se sépare. Y'a de la poésie, 9h du soir, et des gouttes de pluie dans les mouchoirs. Et des gouttes de pluie dans les mouchoirs. Et des gouttes de pluie dans les mouchoirs. Et des gouttes de pluie dans les mouchoirs.